non, il y en a même qui sont assez absurdes. On a dit qu'ils avaient la peau rouge. Oyez, oyez. Les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le phénix est un animal fabuleux, venu tout droit de l'Antiquité. C'est un oiseau au plumage rouge vif et à la longévité hors du commun, plusieurs milliers d'années. Il est surtout capable de renaître de ses cendres. Devenu vieux, il se construit un nid avec des plantes aromatiques. Il y met le feu qu'il attise. Par ses battements d'ailes, il brûle et il renaît. La Phénicie antique, une région qui correspond à l'actuel Liban, trouverait-elle son nom dans le fabuleux phénix? Peut-être ou peut-être pas, non, parce que phénix évoque aussi la couleur rouge, le rouge vive, la pourpre dont les marchands de ces régions étaient les spécialistes. Et puis le phénix est également un palmier dattier très courant dans ces régions. Alors, oiseau immortel, rouge intense ou palmier dattier, d'où vient le nom de la Phénicie? Il est certain que l'oiseau fabuleux touche au cœur, car comme lui, le pays sait renaître de ses cendres après les catastrophes. Mais le palmier dattier est aussi séduisant, car il faut le dire, les historiens et les historiennes adorent les dattes. Cette semaine, le cours de l'histoire sur France Culture fait escale à Beyrouth. Beyrouth, histoire d'une ville. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet, le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. C'est la baladodiffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons dans un port antique, un port phénicien, celui de Beyrouth. Avec vous, Josette Elahi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'Antiquité, spécialiste des Phéniciens, des Assyriens aussi. Vous êtes chercheuse honoraire au CNRS. Alors, diplômée de grec, d'hébreu, d'araméen, d'acadien. C'est très beau d'être diplômée d'acadien. Vous avez enseigné aux universités de Beyrouth et de Bagdad. Et puis, vous avez poursuivi vos recherches au CNRS. Vous avez coécrit en 2000 un quartier du port phénicien de Beyrouth au Fer 3, c'est perse. C'est deux gros volumes. Et puis, surtout, une histoire de la Phénicie. C'était chez Perrin, les éditions Perrin. Et là, vous préparez une histoire de l'Empire assyrien. Ces noms Phénicie, Assyrie nous font rêver. Dites-nous, Josette Elahi, si l'on voulait simplement définir ce qu'est la Phénicie, nous sommes dans l'Antiquité, nous sommes où? Alors, je voudrais dire d'abord que Beyrouth a une très longue histoire de 5000 ans, qu'elle est déjà attestée 3000 ans avant notre ère dans les tablettes d'Ebla. Alors, nous sommes au Liban, nous sommes aussi un petit peu en Syrie, puisqu'il y avait une partie de la Phénicie qui recouvrait la côte syrienne, et un petit peu également en Israël. Alors, cette histoire de Beyrouth, l'histoire phénicienne commence vers 1200 avant notre ère, mais il y avait auparavant une période proto-phénicienne. Et ça, c'est intéressant parce que c'était une période royale, et c'était une époque où Beyrouth était une ville puissante. Ensuite, elle va décliner. Alors, si vous voulez, je vous parle un petit peu de cette période royale sur laquelle on a des informations. 13e siècle avant notre ère, Beyrouth était une ville fortifiée, qui avait une flotte, qui faisait du commerce en Méditerranée. Et on connaît des rois de Beyrouth par des lettres qu'ils ont laissées, des lettres au pharaon. Parce qu'à cette époque, le Proche-Orient était sous domination égyptienne. Alors, il y avait d'abord le roi Yapa Abda, qui était un roi ambitieux. Il était coincé dans un petit territoire entre le Nahr el-Kalb, au nord de Beyrouth, et le Nahr el-Damour, au sud. Donc, il voulait s'étendre sur le territoire de son voisin, le roi de Byblos, au nord. Donc, il l'attaquait sans cesse. Et puis, on connaît son successeur, le roi de Amunira, qui au contraire a accueilli le roi de Byblos, qui était vieux et malade, et qui a été chassé du trône par son propre frère. Donc cette période, Beyrouth est très importante. Et puis il y a ce que l'on appelle l'invasion des peuples de la mer, vers 1200 avant notre ère, qui a tout bouleversé dans la région. Et la Phénicie, proprement dite, émerge à ce moment-là. Alors, qui étaient les Phéniciens ? Ce n'était pas une nation au sens moderne. C'était un ensemble de cités-états qui étaient sur la côte, Tyr, Sidon, Byblos, Tripoli et Arwad en Syrie. Et je ne cite pas Beyrouth parce que Beyrouth était alors, au premier millénaire, une petite ville qui dépendait, qui était dans le territoire de Sidon. Alors comme vous l'avez dit, le nom de Phénicien a été donné par les Grecs parce que ces gens-là s'appelaient les Tyriens, les Sidoniens, les Aradiens, etc. L'origine du mot phénix, il y a plusieurs propositions, il y en a même qui sont assez absurdes. On a dit qu'ils avaient la peau rouge comme les Indiens. Bon, on ne sait pas exactement l'origine. Il y a le mythe du phénix que vous avez développé. Mais peu importe, en tout cas, ils ne s'appelaient pas comme ça. Et ces gens-là étaient assez mal connus. Et c'est assez paradoxal parce que ce sont les inventeurs de l'alphabet qu'ils ont transmis aux Grecs, qui nous ont ensuite transmis, et ils ont laissé très peu de traces écrites, très peu d'inscriptions. Par exemple, dans les fouilles de Beyrouth, on a trouvé quelques fragments d'inscriptions, une dédicace à Astarté, qui était une des patronnes de la ville, et puis des gens qui écrivaient sur leur vase X, fils de Y. Donc, pas vraiment d'inscriptions phéniciennes. Alors, pourquoi ? Certainement parce qu'ils écrivaient sur du matériau périssable comme le papyrus ou le cuir. Et tout cela a disparu. Et tout cela a disparu. Ce qui est intéressant, Josette Elahi, c'est que la mémoire de la Phénicie n'a pas disparu. Et le tableau que vous nous dressez de l'histoire de cette région nous émeut parce que nous avons une temporalité immense. Et si nous nous arrêtons à Beyrouth, bien sûr, Beyrouth n'a pas toujours été la grande ville, la grande capitale que nous pouvons imaginer dans l'Antiquité. Mais Beyrouth est une ville qui existe depuis les millénaires, toujours occupée en continu. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Jacques Hello, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie et aménagement à l'Université Paris 4, Sorbonne. Vous êtes ingénieur cartographe à la base, mais vous avez regardé l'histoire de l'urbanisme, notamment en vous intéressant à Beyrouth, avec une thèse soutenue en 2018, Le centre et le nom, lecture dans la toponymie de Beyrouth. Et justement, en écho à ce que vient de dire Josette Elahi, il y a cette notion essentielle dans l'histoire de Beyrouth, c'est un port millénaire, c'est une ville toujours occupée depuis des millénaires. C'est important pour l'identité des habitants de Beyrouth. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci Madame Elahi pour avoir introduit la Phénicie. En effet, le port de Beyrouth, bien sûr, une ville portuaire, donc la vie se tourne autour de ce centre, enfin commercial de la ville. Mais il faut dire que avant le 19e siècle, Beyrouth n'a pas été un centre d'un pouvoir politique quelconque. Elle était bien sûr le siège de peut-être de fiefs pendant le Moyen Âge, mais elle était connue pour autre chose que cette centralité politique ou même cette centralité économique ou commerciale importante. Là seulement, je veux donc vous parler de Beyrouth du temps des Romains. Seulement une petite cartographie du Levant, donc de la Méditerranée orientale au temps des Romains. La plus grande ville était sans doute Antioche, donc aujourd'hui Antakya en Turquie. Il y avait aussi en Égypte Alexandrie, la deuxième plus grande ville de l'Empire romain. Et puis pour le reste, la métropole la plus importante du littoral phénicien fut Tyr, la ville du sud du Liban aujourd'hui. Beyrouth était alors une petite ville provinciale, une colonie romaine. C'est dire que les Beyrouthins payaient un peu moins d'impôts que les autres villes, ce qui est un grand privilège après. Mais à part ça, la célébrité de Beyrouth était de par son école de droit. C'est là où l'on enseignait le droit impérial romain. Et cette célébrité a atteint de nouveaux horizons sous l'empereur Justinien, qui a centralisé l'enseignement du droit. Et donc, Beyrouth est mise à égalité avec Rome et Constantinople, les deux capitales de l'Empire, Alors là, et pendant ces moments, Beyrouth écrit l'histoire, ou je peux dire lègue, un texte très important à l'humanité, parce que aujourd'hui, le code civil, donc, qui émane directement du droit de l'empereur Justinien, a été pour la plupart écrit à l'école de droit de Beyrouth. Et c'est un panorama donc dressé de Beyrouth avec Josette Elahi et vous, Jacques Hélot, sur plusieurs millénaires, hein, parce que Josette Elahi évoquait les origines antiques et les peuples de la mer. Nous sommes en moins 1200, et puis vous évoquez Justinien, et là nous sommes plusieurs siècles après Jésus-Christ au 6e siècle. Oui. Nous avons un panorama immense de cette ville de Beyrouth. Mais cette ville nous touche aussi par la lecture qui en a été faite ensuite, et notamment au 19e siècle, mais un 19e siècle qui a des échos jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose la lecture par Daniel Königsberg de la préface que François Mauriac donne de l'histoire du Liban. Un ouvrage paru en 1963, écrit par Jacques Nantais, journaliste, écrivain, où François Mauriac porte son regard sur le Liban, où évidemment l'on va trouver peut-être une construction historique, en tout cas beaucoup de fantasmes. Les cèdres du Liban étendent, bien au-delà de ces étroites frontières, leur ombre mystérieuse. Nous l'avons toujours su. L'importance d'un pays ne se mesure pas à son territoire ni au nombre de ses habitants. Le Liban en compte à peine 1 500 000. Ses dimensions sont celles d'un département français. Et pourtant ce grand cèdre, plusieurs fois millénaire, pour nous, les fils d'Abraham, juifs, chrétiens et musulmans, il se dresse sur le ciel de notre histoire et de notre préhistoire. Ses racines pénètrent profondément une terre qui a vu le premier homme et les premières amours de la terre et le premier péché et le premier fratricide, jamais interrompu depuis lors. Daniel Königsberg, qui nous lit un extrait d'une préface que François Mauriac donne à un ouvrage intitulé « Histoire du Liban ». Nous étions en 1963, cet ouvrage est écrit par Jacques Nantais. Et nous voyons ici cette profondeur historique recherchée par l'écrivain sur cette région qui nous fascine, Beyrouth, le Liban. Josette Elahi, historienne, vous avez un regard sur cette région. Et en regardant l'antiquité du Liban, de Beyrouth, il est difficile de se départir de la lecture qui en a été faite après. Quand on regarde factuellement ce que l'on a à Beyrouth comme monument qui demeure, il n'y a pas grand-chose en fait. La ville n'a pas conservé de manière significative les traces de son antiquité prestigieuse. Oui, il faudrait dire que Beyrouth est une ville martyre, qu'elle a subi plusieurs destructions au cours de son histoire. Et c'est extraordinaire parce que les Beyrouthins, chaque fois avec une grande énergie, ont reconstruit. Il y a eu par exemple le séisme de 551 de notre ère qui a été suivi d'un tsunami. Il faut savoir que Beyrouth se trouve construite sur une double ligne de failles. Il y a eu environ 30 000 morts, essentiellement sans doute des élèves de l'école de droit. Les Beyrouthins ont commencé à reconstruire et en 560, quelques années plus tard, il y avait un grand incendie qui a ravagé toute la ville. Puis, par exemple, en 1840, pendant la deuxième guerre égypto-ottomane, la flotte anglaise qui soutenait les Ottomans a bombardé et détruit Beyrouth. Puis, 1975-1990, c'est la guerre civile avec la destruction du centre-ville pour finir par la double explosion du port le 4 août. Alors, c'est cette énergie extraordinaire des Beyrouthins qui ont chaque fois reconstruit après la destruction. Je me souviens d'avoir vu pendant la guerre civile à Beyrouth, lorsqu'une bombe tombait sur un immeuble, dans les jours qui suivaient, la reconstruction commençait. Donc c'était cette énergie incroyable qui jalonne l'histoire de Beyrouth. Josette Elahi. Beyrouth, Excusez-moi, dans votre histoire de la Phénicie, justement, parue aux éditions Perrin, vous le dites bien que c'est terrible, hein, l'ensemble de ces destructions, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion, et c'est un paradoxe sans nom, pour les archéologues de faire des découvertes. Alors, vous insistez ainsi, le service des antiquités est alerté à temps. Mais c'est une ville qui conserve dans son sous-sol des trésors. Comment sont-ils étudiés? Vous avez étudié les résultats de ces fouilles. Que Beyrouth peut nous apprendre du passé de cette région, vous l'avez bien dit, la Phénicie, qui est un nom donné par les Grecs pour en fait qualifier une région où les gens ne se reconnaissaient pas tant que ça comme phéniciens. Les gens de Beyrouth étaient de Beyrouth. Qu'est-ce que vous avez pu étudier à Beyrouth, Josette Elahi? Alors, avant la guerre civile, Beyrouth était entièrement habitée, donc on faisait quelques découvertes fortuites, une ou deux colonnes ou quelques objets lors de la construction d'un immeuble. Par exemple, on a découvert un sphinx égyptien sous le cinéma Rivoli, au bas de la place des Martyrs. Ces objets étaient transposés dans le musée, mais il n'y avait pas grand-chose. Alors, après les fouilles du centre-ville, évidemment, cela a changé. Alors, comment ont été organisées ces fouilles? Il y a eu d'abord, tout le centre-ville a été détruit. Les déblais ont été évacués par des bulldozers dans la mer, et cela a fait d'ailleurs un nouveau quartier de la ville. Et le terrain a été distribué entre 30 équipes nationales et internationales. Et c'était une course des archéologues devant les bulldozers des investisseurs qui rêvaient évidemment de reconstruire tout de suite. Alors, si je peux parler du quartier portuaire que nous avons fouillé et publié avec mon collègue Hossein Sayeg, qui est professeur à l'université libanaise, nous avons établi une collaboration pour la fouille, l'interprétation et la publication de ce quartier qui se trouvait dans le souk Tawilé, 3000 mètres carrés, loin de la mer, à 300 mètres à peu près de la mer. Mais maintenant, c'est encore plus loin avec l'addition d'un nouveau quartier dans la mer. Alors, ce quartier était très intéressant parce que c'est un quartier du port phénicien. C'est un quartier situé sur une colline rocheuse d'environ 30 mètres de haut, dominant le port. Elle était occupée à l'âge du bronze, je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque royale, 13e siècle, Beyrouth était très importante, une ville fortifiée très importante. Puis, elle a été abandonnée. Et la ville était devenue très restreinte. Elle s'était concentrée sur le Tell central, avec très surpeuplée, avec des rues tortueuses, insalubres. Et à la fin du VIe siècle, le roi de Sidon, parce que c'était le roi de Sidon qui possédait Beyrouth à cette époque, a décidé de construire un nouveau quartier. Soit le roi Eshmounazor II, soit Abdit. Alors, ce nouveau quartier, il l'a construit selon un plan dit hippodamien, du nom du grec Hippodamos de Milet, c'est-à-dire un plan de rue rectiligne, se coupant à angle droit, très bien ordonné. Or, Hippodamos de Milet a vécu au 5e siècle, et là nous sommes au 6e siècle, donc déjà c'est une erreur, et ce plan existait déjà auparavant. Dans ce nouveau quartier portuaire, les Béroutins ont établi un nouveau système d'égouts. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Des égouts couverts et hiérarchisés. C'est-à-dire que les eaux usées des maisons se déversaient dans des petits égouts des rues secondaires qui se déversaient dans un égout central qui se déversait lui-même dans le port en passant sous le quai du port qui se déversait dans la mer. Tout cela, nous l'avons étudié et publié. Mais dans toutes ces dates que vous évoquez, hein, je rappelle, c'est important de dire que nous sommes avant Jésus-Christ, hein, c'est bien le 13e siècle avant Jésus-Christ, profondeur historique, 5e, 6e siècle, nous voyons Beyrouth qui se dessine, Beyrouth avec son plan en damier. Et pourtant, ce qui est étonnant avec cette ville qui révèle encore, quand on fait des fouilles, des trésors de l'archéologie, cette ville a surtout marqué par l'image de ses habitants, par les Phéniciens. Je vous propose la lecture par Daniel Königsberg, toujours, d'un extrait d'un écrit d'un géographe romain du 1er siècle. Ce géographe romain, c'est Pomponius Mella. Et Pomponius parle du Liban, sa vision du Liban, la vision que peut avoir un Romain, c'est-à-dire un Romain qui est héritier des Grecs. La Phénicie doit sa célébrité à ses habitants. Nation ingénieuse et également supérieure dans les travaux de la guerre et de la paix. Ils inventèrent les caractères alphabétiques et leurs divers usages, ainsi que plusieurs autres arts. Ils enseignèrent à courir les mers et à se battre sur des navires, à commander aux nations. Également puissants, au dehors et au dedans. Les bords de ce golfe sont habités par des peuples riches qui doivent leur opulence à leur situation dans un pays fertile et entrecoupé d'une multitude de fleuves navigables, qui leur fournissent les moyens d'échanger facilement les différentes productions de la mer et de la terre et de faire un double commerce. Le premier pays que l'on rencontre sur ce golfe est ce reste de la Syrie, auquel on a donné le surnom d'Antiochie, et dont les villes maritimes sont Séleucie, Paltos, Bérite, Laodicée, Rosos. Qui lisait un extrait d'un texte du géographe romain du 1er siècle, Pomponius, qui parlait de la Phénicie, où nous avons tout de suite mis en avant cette image de peuple marchand. Ce peuple marchand est quelque chose qui caractérise les Phéniciens, et dès qu'on s'intéresse aux lectures, aux archives, toujours ce sont les marchands qui arrivent. Joseph Elahi, c'est vrai que l'héritage antique de la Phénicie, en tout cas l'image qui est restée, est celui de marchand. C'est en cela que le port est essentiel pour comprendre Beyrouth. Oui, alors ce port phénicien, donc nous l'avons découvert. Les rues du quartier dont j'ai parlé tout à l'heure descendaient vers le port. Alors ce qui est très curieux, c'est que les rues se terminaient en escalier. On s'est posé la question, comment les marchandises qui étaient déchargées sur le quai du port en contrebas étaient transportées dans les boutiques et dans les ateliers. On sait que dans les souks, avant leur destruction, ça se passait de la même façon et qu'il y avait probablement des ânes qui transportaient ces charges. Donc le quai du port phénicien, nous l'avons découvert dans la rue Alimbi et nous l'avons fouillé sur une trentaine de mètres de long. Nous avons vu que le niveau de la mer montait à cette époque. Par conséquent, il y a eu trois niveaux successifs. Le premier niveau qui a été construit, le premier niveau du quai, qui a été au 6e siècle avant notre ère, était formé de gros blocs de calcaire de 1 mètre par 60 mètres qui étaient alignés et sur lesquels on a trouvé encore 3 bits d'amarrage des navires. Alors ça, ce sont des petits détails, mais quand même qui sont parlants. On avait la trace des cordes d'amarrage des bateaux sur les bits et elles étaient penchées vers le port à cause de la traction des navires. Alors sur ce premier niveau, lorsque la mer a monté, il y a eu un deuxième niveau de quai à l'époque hellénistique, et puis la mer a encore monté, et un troisième niveau de quai à l'époque romaine. Donc là était le port, et nous l'avons exploré pour savoir quel type de port c'était. Bon, le port de Beyrouth, c'était une baie rocheuse d'environ 300 mètres par 150 mètres de profondeur, qui était bien protégée par un cordon de récifs, et on pouvait garer une trentaine de gros navires de commerce ou de guerre et toutes sortes d'embarcations. Alors là, sur le quai, on a trouvé des aiguilles pour réparer les filets de pêche. Donc, à cet endroit, c'était un port de pêche. On a trouvé aussi des menues monnaies, des monnaies de Sidon, parce que Beyrouth ne frappait pas monnaie à cette époque. Donc, on devait y vendre les poissons et diverses marchandises. Les échanges étaient très compliqués à cette époque. Il y avait des systèmes parallèles, le système du troc, de l'argent pesé. On pesait des morceaux d'argent, on a trouvé des balances à plateau. Et il y avait des changeurs qui faisaient des échanges parce qu'il y avait aussi des monnaies grecques. Les commerçants grecs s'arrêtaient dans ce port, c'était extrêmement colorié, vivant. Donc chacun amenait sa monnaie et l'échangeur était nécessaire. Je signale au passage que la fameuse balance dite romaine a été inventée non pas par les Romains, mais par les Phéniciens d'Arwad. importance des Phéniciens dans les inventions, parce que nous parlons de l'art du commerce, il y a également l'alphabet. Mais Josette et Lagui, vous nous emmenez sur le port antique de Beyrouth avec des petits sauts dans l'Antiquité. Nous l'entendons avec le son. Et moi, je vous propose de faire un petit tour à Beyrouth plus récemment, en 2012, avec Yasmine Hamdam, pionnière de la musique électronique à Beyrouth, qui chante tout simplement Beyrouth. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Cherbelara, la belloara, khele saba, sed el hama. Cherbelara, la belloara, khele saba, sed el hama. Resma el biru, lips el ghiwa. شم الهوى أكل الهوى شاغل عقول سكان Yasmine Hamdam qui chante Beyrouth dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann. Et le cours de l'histoire aujourd'hui fait escale à Beyrouth, dans le port antique de Beyrouth. Nous sommes donc en Phénicie. Dites-nous Jacques Kello, il faut le rappeler sans cesse et nous l'avons déjà évoqué en début d'émission, mais il faut le redire, nous parlons de Phénicie parce que le terme est facile d'utilisation pour caractériser une région qui correspond grosso modo au Liban actuel. Si nous nous plaçons dans l'Antiquité et si nous nous mettons, installons-nous dans le port de Beyrouth, les gens ne vont pas se dire phéniciens. En effet, avant la période gréco-romaine, c'est-à-dire avant les conquêtes d'Alexandre, Madame Elaï d'ailleurs vient de le dire, les phéniciens ne se reconnaissaient pas phéniciens, mais se reconnaissaient plutôt citoyens de ville-état, de petites ville-état, tyriens, sidoniens, Bibliote ou de Jbel, donc de Byblos. Après, avec l'avènement des Grecs, et puisque le nom est utilisé par les géographes et historiens grecs, il y a une conscience collective qui commence à émerger en Phénicie elle-même d'être phénicien. Donc la Phénicie commence à se dessiner sur la carte en tant que région géographique et en tant qu'identité régionale. Il fallait attendre l'avènement des Romains, donc 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle avant notre ère, pour parler d'une Syrophénicie, donc d'une province romaine de Syrie, et qui contenait aussi la Phénicie. Là, je dois préciser que la Syrie romaine n'a rien à voir avec la République arabe syrienne actuelle. Il y a une rupture totale, c'est-à-dire la République syrienne actuelle n'est ni héritière, ni état successeur, ni état continuateur de cette Syrie romaine, mais elle en prend le nom. la Syrie romaine était totalement autre chose. En plus, la Syrie romaine était centrée sur Antioche et non sur Damas, comme aujourd'hui. Mais il y a une vraie réflexion à avoir, et c'est l'objet de controverses d'ailleurs, sur l'héritage phénicien. Déjà, sur cette idée que la Phénicie est le nom attribué par les Grecs à cette région, mais que les habitants se sentaient venir d'une cité, de Tyr, de Beyrouth, d'une autre. Ils venaient d'une cité, ils ne se sentaient pas phéniciens. Et vous nous dites, Jacques Kello, que malgré tout, il y a une conscience qui apparaît. Nous pouvons entendre en réponse, et c'est vrai que dans les débats, dans les polémiques, il va y avoir, oui, peut-être que la Phénicie n'existait pas, c'est une vision des Grecs, mais regardez les Grecs également. Il s'agissait de cités-États qui se regroupaient dans une entité. Dites-nous, Josette Elahi, cette réflexion sur ce qu'est la Phénicie, portée avec un regard beaucoup plus contemporain, a un enjeu politique. Vous le percevez, cet enjeu politique ? Alors, je voudrais dire que pour la conscience, cette conscience commune, on a une ébauche de cette conscience au IVe siècle avant notre ère, à Tripoli. À Tripoli se tenait périodiquement une assemblée générale des Phéniciens. Les Phéniciens de Tyr, de Sidon et d'Arwad se réunissaient régulièrement à Tripoli pour traiter d'affaires importantes. Donc il y a quand même une union et le début d'une prise de conscience d'intérêt commun, je dirais pas de nation, enfin d'une communauté d'intérêt. Donc ça existait déjà au IVe siècle à Tripoli. Et c'est très curieux parce que les écrivains arabes nous parlent d'une construction à Tripoli de trois villes, construites chacune par une des grandes cités phéniciennes, Tyr, Sidon et Arwad. Beyrouth n'existe pas là-dedans, j'ai dit que c'était une petite ville du territoire de Sidon. Donc ces trois villes étaient fortifiées, nous disent les écrivains arabes, et un écrivain grec comme Diodore de Sicile. Donc on ne sait pas très bien parce que la ville de Tripoli n'a pas été fouillée. On a commencé à la fouiller avant la guerre civile, mais on ne l'a pas fouillée. En tout cas, il y avait une sorte de réunion des Phéniciens à Tripoli dès le IVe siècle. Dès le IVe siècle, il y avait donc quelque chose comme une conscience ou une identité qui se construit avec des dieux communs, une langue commune et puis surtout des activités communes, celles de marchands, d'où l'importance des ports. Jacques Kello, si nous jetons un œil sur le port romain, plaçons-nous aller au 5e, 6e siècle de notre ère, 6e siècle après Jésus-Christ, ce port romain antique à Beyrouth. Quel est-il en fait ? Ce temps-là, Beyrouth faisait partie donc de la Phénicie maritime, de la province romaine de Phénicie maritime. Et puis elle exportait des vins, et puis elle exportait donc des marchandises, un port plus ou moins important. Peut-être pour parler d'un aspect anecdotique, l'empereur Justinien, dans sa constitution, promet et menace avec des peines très sévères les étudiants de droit à Beyrouth qui se livrent au jeu indigne et bas. C'est dire, l'école de droit, on ne sait pas encore exactement où elle se trouvait, mais on sait qu'elle était pas loin de la cathédrale actuelle grec-orthodoxe de Beyrouth, dans le centre-ville. Elle n'était pas loin du port, et bien sûr, à côté du port, il y avait le quartier du plaisir, qui dépendait donc des marins et puis des soldats de passage. Et apparemment, les étudiants et les copistes, selon le texte qui survit enfin de Justinien, les étudiants et les copistes de droit se livraient à des jeux comme n'importe qui. Et l'empereur trouvait que c'était tellement indigne qu'il demandait à l'évêque de la ville et au préfet de la ville et puis au préfet de la Phénicie maritime de veiller sur ces délits. Donc ça veut dire, si je veux par extension, que le port avait une certaine activité assez importante pour qu'il y ait ce genre de jeu quand même. Jacques Kello, justement, que reste-t-il aujourd'hui du port antique ? C'est-à-dire que quand nous nous trouvons à Beyrouth, dans le port, est-ce qu'il y a encore des restes de ce port antique ? Ou alors, peut-on imaginer que ce qu'il reste, c'est cette activité? Vous évoquiez ce lieu de plaisir que pouvait être le port, mais comme tous les ports, il y a des bars, il y a de quoi vivre. Aujourd'hui, on va retrouver peut-être la même chose à Beyrouth. Oui, jusqu'au XXe siècle, le quartier de plaisir de Beyrouth se trouvait non loin du port. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste du port de 2020 à Beyrouth après le 4 août? C'est la question. C'est vrai que le 4 août, cette explosion, cette double explosion à Beyrouth a été quelque chose qui nous a tous touchés, parce que je pense que Beyrouth est une ville particulière avec laquelle nous avons un attachement. Josette Elahi, cette explosion du mois d'août 2020 à Beyrouth est un moment que vous avez ressenti de quelle manière, vous qui avez étudié le port antique de Beyrouth, vous qui avez fouillé ce port antique? Oui, évidemment, l'émotion, c'est quelque chose de très fort, puisque moi-même, j'ai vécu 3 ans à Beyrouth, j'enseignais à l'université. Ce que je voudrais revenir sur quelque chose que disait mon collègue, l'emplacement du port antique, du port phénicien, il se trouvait le long de la rue Alimbi et la rue Végan, c'est-à-dire à l'ouest du port moderne. Donc, effectivement, l'explosion du 4 août a dû considérablement abîmer les vestiges antiques, d'autant plus que le port phénicien avait été détruit par les bulldozers en 1995. Les bulldozers ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils ont fait un grand trou dans la rue Alimbi et le quartier portuaire a été inclus dans un immense parking souterrain. Donc il a été rongé peu à peu. Il était en tout cas inclus dans ce parking. On ne sait pas ce qu'il en reste aujourd'hui. Il faudrait évidemment faire une évaluation archéologique, mais je crois qu'il y a des priorités comme la reconstruction des logements avant l'hiver. Et puis ça, c'est le souci d'un départ dans l'Antiquité avec Josette Elahi qui évoque cette explosion du 4 août avec énormément de justesse de dire que l'urgence est vraiment les habitants et d'aujourd'hui et de reconstruire les logements parce que l'hiver arrive et il peut faire froid à Beyrouth. Mais pour le regard que l'on peut porter sur l'Antiquité, il y a ce lien constant qui est fait dans le discours politique notamment ou simplement dans les noms des rues, dans le rappel dans l'urbanisme de cette héritage antique. Jacques Quello, est-il très important à Beyrouth? Il y a ce paradoxe sans nom, nous l'entendons, de cette ville régulièrement détruite, ne serait-ce que par les bulldozers, et puis une fierté légitime d'avoir un héritage millénaire. Mais que reste-t-il? Y a-t-il une vraie fierté de cet héritage? Bien sûr, il y a une vraie fierté. Là, je pense aux travaux de May Davy, l'historienne, elle est elle-même béroutine. Et puis son époux, Michael Davy, qui est géographe. Les deux sont béroutins. Les deux ont tant travaillé sur le Beyrouth du 19e siècle. Donc l'aspect commercial et puis l'urbanisme, etc. Donc les deux, dans leurs travaux, racontent cette émergence non seulement de cette cité commerciale qu'est Beyrouth aujourd'hui, à nouveau, enfin la renaissance de Beyrouth, mais aussi de l'émergence de cette fierté que pendant vers le début du 19e siècle, Beyrouth était un petit port ottoman. Mais vers la fin du 19e siècle, Beyrouth était le siège d'un vilayet ottoman. Et puis les habitants en étaient très fiers. Donc des immigrants de partout de l'Empire ottoman viennent s'installer à Beyrouth et même de l'au-delà, de l'Europe. Avec cette émergence, donc, il y a aussi une redécouverte, entre guillemets, du rôle que Beyrouth jouait pendant l'Antiquité et dont le rôle de l'école de droit, et puis une sorte de fierté d'une Phénicie plus ou moins reconstruite, réinventée. Oui, une Phénicie réinventée. Je vous propose d'écouter ce que disait en avril 1959 Moussa Moubarak, qui était ambassadeur du Liban à Paris. C'était dans l'émission Les Grandes Conférences où il évoque la Phénicie, donc la Phénicie vue par un Libanais dans les années 1950. Certains jours, un client, son procès gagné, se précipita chez son avocat et lui dit dans un grand élan d'enthousiasme, Ah, mon cher maître, je vous dois une reconnaissance éternelle. N'allez pas si loin, répondit le maître. La reconnaissance est matériellement traduisible depuis que les Phéniciens ont inventé la monnaie. Les Phéniciens, vous le savez aussi bien que moi, sont mes ancêtres, les ancêtres des Libanais. Mon pays, leur pays, n'est pas bien grand. La Phénicie n'est pas seulement la patrie de ceux qui ont inventé la monnaie, cet instrument du négoce international. Elle est aussi la terre d'élection des savants qui ont coulé la pensée humaine dans sa première forme interchangeable, l'alphabet. Oh, des alphabets, il y en avait, mais indéchiffrables. Les Phéniciens, eux, ont inventé le premier alphabet à consonne et voyelle, le premier alphabet pour Monsieur Tout-le-Monde. La Phénicie, vue par Moussa Moubarak, donc ambassadeur à Paris, c'était en 1959, il était ambassadeur à ce moment-là. Jacques Hello, il y a cette construction de discours d'un Liban héritier de la Phénicie, sans doute pour l'opposer à la Syrie, qui serait reliée au monde arabe. Comment se construit cet imaginaire ? Comment se construit cet imaginaire ? Avant, je vais commencer par cet héritage. Sans doute, le Liban hérite de cette Phénicie, hérite des cités-états cananéennes, donc de Tyr, de Sidon, de Bérite, de Byblos. Il hérite aussi de la Phénicie romaine. Il hérite de tous ces empires. Et puis après, de l'empire arabe, bien sûr. Pourquoi pas ? Pourquoi pas revendiquer tout l'héritage ? Mais après, j'ai toujours du mal à trouver où il y a cette opposition entre millénaire, entre une Syrie, donc qui était là depuis des milliers d'années, et puis un Liban qui était là depuis des milliers d'années. À mon sens, ce n'est pas vrai. La Syrie actuelle n'est pas l'héritière de la Syrie romaine. Le Liban hérite lui aussi de la Syrie romaine, à titre égal que de la Syrie actuelle, de la République arabe syrienne actuelle. Et aussi les Palestiniens, les Syriens, les Cypriotes, les Chypriotes, pourquoi pas. Et les Libanais héritent tous des Phéniciens aussi, des Phéniciens de l'Antiquité. Donc après, est-ce que le Liban est particulièrement l'héritier de la Phénicie ? Pourquoi pas ? Mais il n'est pas le seul dans ce cas. Il n'est pas le seul, et puis nous sentons bien que cet héritage, cette histoire qui nous pousse jusqu'à l'Antiquité, qui pourrait paraître lointaine, et une question dans les ouvrages d'historiens, d'historiennes, est en fait, comme bien souvent en histoire, une question d'actualité. Josette Elahi, ce discours qui peut être tenu sur les héritages de la Phénicie entre le Liban, la Syrie, comment le lisez-vous ? Alors, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, dans l'extrait qu'on a entendu, les Phéniciens ont bien inventé l'alphabet, mais pas du tout la monnaie. La monnaie a été inventée en Lydie, puis par les Grecs, et les Phéniciens ne sont venus que deux siècles plus tard pour la monnaie. Alors, ce qui m'a énormément frappé, ce sont les parallèles entre la Phénicie antique et ce qui se passe au Proche-Orient à l'époque moderne. Il y a des éléments qui se répètent. Lesquels ? Le Liban, enfin on parle de Beyrouth, mais toute la Phénicie avait des atouts qui étaient très convoités par les grandes puissances. Par exemple, les forêts de cèdres qui servaient à construire des navires, leur navigation en Méditerranée où ils ramenaient toutes sortes de produits précieux, l'emplacement stratégique c'était une porte entre l'Orient et l'Occident, entre la Turquie et l'Égypte et d'ouest en est, entre la Babylonie et l'Occident. Donc ça, c'était une position extraordinaire et qui était convoitée par toutes les grandes puissances de l'époque. Actuellement, enfin récemment en tout cas, le Liban est aussi un enjeu très important avec des richesses différentes. Hein. Aujourd'hui, on a par exemple les gisements de gaz souterrains, mais ça a toujours été un enjeu. L'emplacement stratégique, je crois aussi. Alors cette répétition, j'en ai parlé à plusieurs reprises, je l'ai écrit cela, il y a des éléments qui se répètent dans l'histoire avec d'autres sous d'autres formes. Mais c'est toujours le Beyrouth et le Liban est placé à un endroit extrêmement sensible, délicat, aujourd'hui, comme dans l'Antiquité. Oui, c'est cette similitude qui est pertinente en fait entre le Liban d'aujourd'hui et puis cette région dans l'Antiquité. Ce que l'on peut retenir ici, c'est ce que vient de dire Josette Elahi, c'est une porte, c'est un carrefour entre l'Orient et l'Occident, et ce qui était déjà le cas dans l'Antiquité, Jacques Kello, c'est cette notion de carrefour qui est importante quand on évoque Beyrouth et son port. Oui, bien sûr. D'abord dans l'Antiquité, mais après même, 19e et 20e siècle, il y a cette, centralité conjoncturelle. Donc Beyrouth était le passage préféré vers le monde arabe depuis l'Europe. Et puis même dans le monde arabe, Beyrouth était le, entre guillemets, l'Occident le plus proche. Donc voilà, vous avez évoqué cette fonction de carrefour qu'était Beyrouth. Dans une semaine, il y aura le centenaire du Grand Liban. Donc le Liban aura 100 ans. Rien ne semble sûr pour le futur, mais j'espère que les Beyrouthins et les Libanais, bien sûr, trouveront dans cette histoire millénaire une inspiration pour continuer. C'est important aujourd'hui de donner un peu d'espoir dans ce contexte. C'est important de le souligner, Jacques Kello. Vous avez raison, il y a de l'espoir, surtout quand nous parlons de Beyrouth, qui est une ville qui ne cesse de se reconstruire. Merci beaucoup. À vous pour ce, voilà, un phénix, pour ce regard sur Beyrouth dans l'Antiquité et Beyrouth aujourd'hui. Et merci beaucoup aussi à vous, Josette Elahi. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'histoire de la Phénicie. C'est aux éditions Perrin. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, vous revenez sur les inscriptions négationnistes retrouvées à Oradour-sur-Glane, c'était vendredi. Sur le mur du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, le mot « martyr » a été rayé à la peinture blanche et le mot « menteur » a été ajouté avec la mention « Rénoir a raison ». Du nom d'un défenseur notoire des thèses nazies, matinée du catholicisme le plus réactionnaire. Un homme déjà condamné pour avoir contesté la réalité de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce centre de la mémoire, c'est un bâtiment musée qui constitue le passage obligé de la visite, un sas pédagogique nécessaire pour préparer les visiteurs à leur confrontation avec ce village décimé où 642 de ses habitants avaient été abattus et leurs corps brûlés dans les granges et l'église par la division SS Das Reich, un village fantôme conservé en l'état depuis la libération. Philippe Lacroix, le maire d'Oradour-sur-Glane, a annoncé le dépôt d'une plainte par la mairie et les descendants des victimes, tandis qu'une enquête a été ouverte au parquet de Limoges. Cet acte, dont les auteurs restent encore inconnus à ce jour, a immédiatement été condamné par les membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement réagi. C'est un crachat sur la mémoire de nos martyrs, a-t-il écrit sur Twitter. Le Premier ministre Jean Castex assure lui que tout sera fait pour que les auteurs soient traduits en justice. Avec cet événement, le négationnisme se rappelle à nous, c'est navrant et même désespérant si l'on considère la bibliothèque infiniment vivante et fournie des recherches sur les violences nazies. L'histoire du négationnisme français remonte aux années 70 avec la médiatisation des thèses de Robert Faurisson qui utilise la presse et les procès qui lui sont intentés comme tribune pour faire rayonner ses idées. Au-delà du scandale, le négationnisme a fait évoluer la manière d'écrire, de parler, de filmer sur le génocide des Juifs d'Europe et sur les massacres de la Deuxième Guerre mondiale, sans jamais désarmer ni les historiens ni les témoins. En 2013, Marcel Datou, rescapé d'Oradour, racontait cette journée du 10 juin 1944, il avait alors 20 ans. Je tombe. Et en tombant, j'ai pris deux autres balles dans le haut des cuisses. Et tous les copains, c'est eux qui m'ont sauvé. Ils me sont tombés dessus. Et alors, quand ça s'est arrêté, combien de temps ça dure, j'en sais rien, une minute, deux minutes, ça se calme, ils parlent entre eux, et tout d'un coup, j'entends le bruit caractéristique, la culasse qu'on tire, clac, clac, clac, pour mettre la balle dedans. Et pof, ça tire, clac, clac, clac, et ça tire. Ils étaient en train de donner le coup de grâce. Il est monté sur le tas de cadavres. Et tout ce qui bougeait encore, toc. Le bruit de la culasse qu'on arme, clac, clac, clac. Ça, je l'ai encore dans la tête. L'émotion est immense sur les réseaux sociaux aussi face à ces tags négationnistes. Et certains sont tentés de comparer ces dégradations au déboulonnage de statues intervenues dans l'espace public depuis le printemps. Impossible pourtant de se permettre ce raccourci. S'il s'agit bien de contester la mémoire d'une histoire exposée dans l'espace public, d'un côté nous avons des civils attaqués dans leur quotidien, regroupés et exécutés par une armée. De l'autre, des statues inertes d'hommes politiques, de militaires en responsabilité, avec leur part dans la traite négrière ou l'exploitation des colonies françaises érigées en politique d'État. Ne nous y trompons pas, les déboulonnages demandent davantage de conscience du passé et de son empreinte dans notre monde contemporain. Le négationnisme veut effacer l'histoire. Tous les désaccords de l'histoire telle qu'elle apparaît dans l'espace public ne se valent pas. Merci beaucoup Anaïs d'avoir évoqué ces inscriptions retrouvées à Oradour-sur-Glane, inscriptions négationnistes. Et vous avez évoqué Marcel Dartout, de rescapé d'Oradour-sur-Glane, qui est disparu, qui a disparu aujourd'hui et qui peut être écouté sur le site internet franceculture.fr. Son témoignage dure 20 minutes et ce témoignage est poignant, émouvant, car il est simple. Et nous savons, hein, les enseignants, les enseignantes enseignent Oradour. Et quand vous évoquez ces moments-là, nous comprenons l'utilité de l'histoire, l'utilité prégnante, ce que nous faisons au quotidien. Merci beaucoup, Anaïs. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jossel, Valentine Lovrens. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guillou. Des émissions à réécouter sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast et la baladodiffusion. Et demain, nous retournons à Beyrouth pour une nouvelle capitale. Oui, nouvelle capitale, Beyrouth sous mandat français. Beyrouth devient une capitale au XXe siècle. À demain.